Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, les parents peuvent-ils gérer l'épargne de leur enfant ? Le principe général est posé par l'article 382 du Code civil qui dispose que l'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux, bien entendu, est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. D'un point de vue patrimonial, cela signifie que les parents, ou donc celui qui exerce l'autorité parentale, ont le pouvoir d'administrer les biens de leur enfant mineur, c'est-à-dire le droit de faire tous les actes de gestion de leur patrimoine qui permettent d'en conserver la valeur ou, bien entendu, de la faire fructifier. Cela étant, la loi précise qu'ils sont tenus d'apporter dans la gestion de ces biens de leur enfant mineur des soins dits prudents, diligents et avisés dans leur seul intérêt et qu'ils sont responsables de tous les dommages causés par leur faute. L'administration légale emporte aussi le droit pour les parents de faire des actes dits de disposition portant sur les biens de leur enfant mineur. Alors constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou l'avenir par une modification importante. Par exception toutefois, certains actes de disposition particulièrement graves nécessitent l'autorisation du juge des tutelles. Par exemple, les parents doivent solliciter le juge pour vendre un bien immobilier appartenant à leur enfant mineur ou pour contracter un prêt en leur nom, puisque ce sont des actes très importants de disposition. Alors, les parents peuvent également, en tant qu'administrateurs légaux de leur enfant mineur, utiliser les revenus produits par leur bien. Ce droit de jouissance légale peut s'exercer sur la plupart des biens des enfants, immeubles, fonds de commerce ou bien encore placements financiers. Il est destiné à compenser les dépenses que les parents doivent engager pour éduquer et entretenir leur enfant. Il n'est cependant pas sans limite. D'une part, la loi prévoit qu'il cesse lorsque les enfants ont 16 ans, voire plus tôt, ils se sont mariés. D'autre part, elle précise que cette jouissance légale ne s'étend pas aux biens que les enfants vont acquérir par leur travail, qu'ils en sont donnés ou légués, ou qu'ils reçoivent au titre d'une indemnisation d'un préjudice dit extra-patrimonial. Les règles qui précèdent permettent donc aux parents de gérer librement les comptes de leur enfant mineur et leur trouver par exemple la meilleure épargne. Au titre du droit de jouissance légale, il est possible d'utiliser les revenus générés par les produits d'épargne pour financer, donc comme je l'ai dit, les besoins de la famille. Et au titre du pouvoir d'administration, il est possible de puiser dans le capital épargné et clôturer par exemple les placements ouverts au nom des enfants mineurs, normalement avec l'accord des deux parents. Toutefois, il faut savoir que les pratiques des banques peuvent varier d'un établissement à l'autre. Il y a ce principe légal et il y a la pratique. En effet, certaines banques conditionnent l'utilisation de l'épargne des enfants mineurs à l'accord conjoint des deux parents, alors que d'autres exigent l'accord d'un seul parent. Certaines permettent aux représentants légaux de puiser librement des sommes dans les comptes de leur enfant jusqu'à leur majorité, alors que d'autres le permettent jusqu'à leur 16 ans et exigent leur accord entre 16 et 18. Enfin, certaines permettent aux parents de puiser dans les livrets de leur enfant mineur sans contrôle de l'origine des fonds, alors que d'autres s'assurent au préalable qu'elle ne provient pas de biens issus de leur travail ou bien encore d'une donation. Il est donc important de se renseigner sur les conditions avant d'ouvrir un placement intéressant pour le compte de ses enfants mineurs. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.